ta vie avec ta petite. Ils sont là pour tout gâter, oh. Tu y es bien avec ta coco. Ils sont là pour tout gâter, oh. Les sorciers, apprentis sorciers, oh. Tout gâter. Ils sont là pour tout gâter, oh. Dans la galère, on n'en voyait personne. Dans la misère, on n'en voyait personne. Maintenant que ça paye, comme le FBI, il guette tous mes faits et gestes. Pour faire des rapports, pour faire comme ça à mon bébé. Ne te prends pas la tête, mon ami. Le chien aboie, ta caravane le passé. Le monde est méchant. Ma cilia soudier, baba, nala. Babonala, vas-y jette ta petite, hein. On ne gère pas les jaloux, yeah. Tu es la seule que moi je aime, oh. Tu es la seule que moi je ne l'eau. Les petits sorciers, ils veulent nous gâter. Non, non, ils n'y arriveront pas. Tu es la seule que moi je aime. Les jaloux quittés, quittés, quittés.